École primaire, je me souviens de ma putain d'enfance. À l'époque, tout était bien, y'avait pas de souffrance. J'avançais sur trois chemins sans souci quand j'y pense. Si je me serais jamais dit connaître les pires défenses. Heureux quand j'étais gosse, j'avoue si j'ai cette chance. Aujourd'hui, je me retrouve de la top à la panse. Je voulais le bonheur éternel depuis la maternelle. Mais les couleurs ont viterné à 17 ans, je mène ma vie de paternelle. J'ai élevé ma fille et sa mère, putain, je l'aimais elle. Elle m'a fait planer dans le ciel, ma vie de brûler les ailes. M'a fait perdre la raison, m'a fait perdre des amis que j'aime. Mon gros sac sur le dos, plein de rêves sur le chemin de l'école. Je me souviens qu'à l'époque, le seul vice c'était de fumer des clopes. Les soucis viennent encore à dos, plein de problèmes sur le chemin du boulot. Alcool, joint, j'y mets la dose, j'aimerais bien redevenir un petit gosse. J'aurais pas cru chanter, fils toi tu me manques. Ma petite Kenza, mon petit Aaron, mais où êtes-vous dit donc? J'attends devant ma porte, je n'entends pas de ding-dong. Ça me bouffe la vie, je poitre, je me flingue. 7 ans à ma noyade, ça m'a prédit une vie de dingue. J'ai goûté des coups de patte, car je ne suis pas une bonne craque. Mais je m'en sors bien, d'autres mecs ont goûté la seringue. D'autres sont morts, à leur santé je trinque. Je pense à Jimmy, à Perrin, en fausse paix, en pourri. La vie rame en souris, j'y croyais quand je t'ai dit ouais. Une fois une prof m'a dit, on vit d'amour d'eau fraîche. Elle a dû me mentir, l'espoir fait vivre un sale dicton de bâtard. L'espoir fait vivre un sale dicton de bâtard. Mon gros sac sur le dos, plein de rêves sur le chemin de l'école. Je me souviens qu'à l'époque, le seul vice c'était de fumer des clopes. Les soucis viennent encore à dos, plein de problèmes sur le chemin du boulot. Alcool, joint, j'y mets la dose. J'aimerais bien redevenir un petit gosse. Mon gros sac sur le dos, plein de rêves sur le chemin de l'école. Je me souviens qu'à l'époque, le seul vice c'était de fumer des clopes. Les soucis viennent encore à dos, plein de problèmes sur le chemin du boulot. Alcool, joint, j'y mets la dose. J'aimerais bien redevenir un petit gosse. Maternelle, CP, CE1, CE2, CM1, CM2, 6ème, 5ème, 4ème, 3ème. Et là les soucis viennent, et là les soucis viennent. Les meufs deviennent des chiennes, et les cycles s'enchaînent. Skyrock à fond dans la chaîne, Joe Star, cool chain, poster dans la chambre. Sur bête de marque, la cosse si t'as la chance. T'as la chance. Elle promet beaucoup l'enfance, on nous dit belle est la France. Sortir de la galère, personne ne nous l'apprend. La jeunesse pète les plans, faut pas s'étonner après. Dans ton enseignement, on dit pas tout ce qui est vrai. Maternelle, CP, CE1, CE2, CM1, CM2, 6ème, 5ème, 4ème, 3ème. Et là les soucis viennent, et là les soucis viennent. Mon gros sac sur le dos, plein de rêves sur le chemin de l'école. Je me souviens qu'à l'époque, le seul vice c'était de fumer des clopes. Les soucis viennent encore à dos, plein de problèmes sur le chemin du boulot. Alcool, joint, j'y mets la dose. J'aimerais bien redevenir un petit gosse. Mon gros sac sur le dos, plein de rêves sur le chemin de l'école. Je me souviens qu'à l'époque, le seul vice c'était de fumer des clopes. Les soucis viennent encore à dos, plein de problèmes sur le chemin du boulot. Alcool, joint, j'y mets la dose. J'aimerais bien redevenir un petit gosse. Et voilà, c'est fini.